franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Émile Louis et les disparus de Lyon. Elle s'appelait Christine, Jacqueline, Chantal, Madeleine, Françoise, Bernadette et Martine. D'elle, il ne reste que quelques photos d'identité jaunies par le temps. Les visages sont flous, les sourires cachés. Entre 1975 et 1979, ces sept jeunes femmes, âgées de 15 à 26 ans, ont disparu dans le département de Lyon sans laisser de traces. Elles étaient toutes des enfants de la DAS, la Direction départementale des affaires sociales et sanitaires. Pendant des années, personne ne s'en est inquiété de ces disparitions successives. Il faudra l'abnégation d'un gendarme et d'une association pour que l'affaire soit enfin prise en charge par la justice. Ce n'est que 30 ans après les faits que l'enquête aboutit et l'on découvre que derrière ces mystérieuses disparitions se cache un homme, l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire judiciaire française. Un individu qui, pendant toutes ces années, est passé à travers les mailles du filet. Cet homme, c'est Émile Louis, reconnu coupable du meurtre de cette femme en 2004. Alors, comment expliquer cette inertie? Pourquoi ces disparitions n'ont-elles intéressé personne pendant si longtemps? Certains ont parlé de complot, de réseau, de protection. En réalité, derrière ce fait divers, se dévoile une réalité encore plus sombre, celle d'une justice à deux vitesses. Cette histoire nous plonge aussi au cœur de l'appareil social français, de la considération des handicapés mentaux à leur prise en charge, donc la place qu'ils occupent dans la société, et surtout, comment la société s'en occupe, ou pas. Ces questions, nous y répondrons en seconde partie de l'émission avec Hubert Besson, journaliste à Lyon Républicaine pendant l'affaire. Il a suivi de près l'enquête et en a tiré un livre, Émile Louis et l'affaire des disparus de Lyon, publié en 2004 aux éditions de l'Archipel. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production, Léa Dupuy-Henquin, Ida Bory, coordination, Christophe Barrère, programmation musicale, Thierry Dupin, réalisation, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Guillaume Moreau, Julien Chabassu. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je trouve quand même que l'enquête elle a piétiné trop longtemps. Oui, ça c'est vrai. Hein, ça a été trop long. On a fait tout un cinéma, hein, et ben c'est inadmissible. Et des handicapés qui gardaient. Alors profitez des handicapés, mais je trouve que la justice n'a pas été très rapide. Hein. Juillet 1981, Rouvray, lieu dit des Lames. Ce matin-là, un agriculteur de la petite commune de Lyon, située à quelques kilomètres au nord d'Auxerre, se lève pour travailler sur son exploitation. Arrivé à côté de son abri à bestiaux, il remarque qu'un os sort d'un tas de fumier. À l'aide de sa fourche, il commence à le dégager et découvre qu'un cadavre humain est enfoui à cet endroit. L'agriculteur appelle immédiatement la gendarmerie. C'est Christian Jambert, le chef de la brigade des recherches, qui prend en charge l'enquête. Réputé sérieux et pugnace, le gendarme mène les premières observations. Le cadavre a les pieds et les poings liés. Sa bouche est bâillonnée par une culotte. Mais l'état en décomposition rend toute identification impossible. Seule la présence de vêtements féminins permet de tracer une première piste. Le gendarme commence par dresser une liste des signalements de disparition. Et là, surprise, entre 1975 et 1979, Christian Jambert se rend compte que 6 jeunes filles de la région d'Auxerre ont disparu du jour au lendemain. Point commun, elles étaient toutes placées à la DAS et sont passées par les mêmes instituts. Dans leur entourage, Christian Jambert remarque un homme. Il s'appelle Émile Louis. Il a 47 ans, il est chauffeur de car. Employé des Rapides de Bourgogne, c'est lui qui fait la navette et transporte les filles entre les institutions et leurs familles d'accueil. Interviewé quelques années après, un ami de Christian Jambert, Pierre Moreau, raconte les premiers soupçons du gendarme. Il avait remarqué dès le départ que à chaque fois qu'il y avait une disparue, il avait enquêté sur la disparition et il avait remarqué qu'à chaque fois que cette jeune fille disparaissait, il y avait toujours la même personne qui était vu par des voisins ou par l'enquête qu'il avait menée. Il avait toujours remarqué que cette personne était la même. Et ça l'avait interpellé en disant, mais comment se fait-il que sur 4, 5, 6, 7 disparus, il y a toujours la même personne? Bon, là, il s'était dit, il y a quand même, c'est plus un fait du hasard, il y a quand même une raison pour que cette personne soit là. Et déjà, à cette époque-là, M. Jambert avait déterminé que Émile Louis était quand même une personne suspectée d'être un peu responsable des disparitions. Il a remis ce dossier d'enquête préliminaire au juge d'instruction qui n'arrêtait pas de lui dire, monsieur Jambert, pas de cadavre, pas de meurtre. Moi, je ne peux pas ouvrir une instruction si vous ne me donnez pas un cadavre. Un cadavre, justement, Christian Jambert en a un, celui qu'on a retrouvé dans le champ du Rouvray et qu'il cherche toujours à identifier. De son côté, Pierre Moreau, son ami, qui est assesseur au tribunal pour enfants d'Auxerre, lui parle depuis quelque temps d'une jeune fille. Elle s'appelle Sylviane Lesage, elle a 23 ans et elle est aussi pupille de la DAS. Sa famille d'accueil n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Christian Jambert fait le lien entre la disparition de la jeune fille et le corps qu'il cherche à identifier. Grâce aux analyses dentaires, le rapprochement est établi. C'est bien le corps de Sylviane Lesage qu'on a découvert à Rouvray dans l'abri à bestiaux. Là encore, un homme ressort dans l'entourage de la jeune fille. Là encore, il s'agit d'Émile Louis. Le chauffeur de car n'est autre que l'amant de Sylviane Lesage. Elle en a parlé à ses proches. Des témoins assurent les avoir vus plusieurs fois flirter, non loin de l'endroit où elle était retrouvée. Et puis surtout, Émile Louis vit depuis quelque temps avec une femme, Gilberte Leménorel, qui a eu la garde de Sylviane pendant son adolescence. À leur domicile, on retrouve d'ailleurs un tissu du même type que celui qui a servi à attacher les mains de la victime. Le 28 décembre 1981, Émile Louis est placé en garde à vue. Christian Jambert l'interroge. Le chauffeur de car nie toute implication dans la mort de Sylviane Lesage. Oui, il la connaissait. Oui, ils étaient amants. Mais non, il ne l'a pas tuée. En revanche, au cours de sa garde à vue, il révèle aux gendarmes qu'il s'est livré à des attouchements sur des enfants confiés par la DAS à sa concubine. Il avoue avoir des problèmes, qu'il a essayé de se soigner. Mais bon, ses pulsions, il en avait parlé à Jacques Moreau, l'ami du gendarme. Lui aussi connaissait Émile Louis. Interviewé quelques années après, Jacques Moreau raconte cette confession. Il m'a expliqué que quand ça le prenait, il avait des bouffées de chaleur, des montées de sueur, des tremblements qu'il prenait, qui devenaient tout rouge écarlate, et qu'une profonde violence montait en lui, qu'il ne pouvait plus se contrôler, et qu'au bout d'un moment, il devenait fou, quoi, complètement fou, il ne se contrôlait plus, quoi. Emprisonné, Émile Louis est condamné le 17 mars 1983 à 5 ans de prison ferme, puis 4 en appel pour attentat à la pudeur sur mineur. Il bénéficie en revanche d'un non-lieu dans le cadre du meurtre de Sylviane Lesage. Les preuves retenues contre lui sont insuffisantes. Mais le gendarme Christian Jambert, lui, s'obstine sur l'affaire des disparus de Lyon. Et il y a de quoi. 6 jeunes filles disparaissent dans un laps de temps rapproché et rien ne se passe. Pas clair tout ça. Dans les instituts qu'elle fréquente et à la DAS, on n'a pas cherché plus loin. Après tout, les filles sont majeures, pour la plupart. Sur leur dossier, on mentionne qu'elles ont fugué, tout simplement. Chez les familles d'accueil, on passe une petite annonce, mais pas plus. On écoute l'avis des institutions. Pourtant, parmi les disparues, certaines sont déficientes mentales. Il est quasiment impossible qu'elles soient autonomes. D'autres ont un enfant. Aucune n'a pris ses affaires avant de partir. Depuis 4 ans, elles n'apparaissent nulle part. Elles n'ont donné aucun signe de vie. Christian Jambert est persuadé de tenir le principal suspect en la personne d'Émile Louis. Toutes les victimes le connaissaient, les témoignages s'accumulent. La plupart du temps, il est la dernière personne à avoir croisé les filles avant leur disparition. Alors le 23 juin 1984, le gendarme remet son rapport au parquet d'Auxerre. Sur une dizaine de pages, il explique avec force détail la série de disparitions et pointe Émile Louis comme suspect numéro 1. Quand le substitut Daniel Stilinovitch lit le dossier, il est convaincu par le travail du gendarme. Mais pour ses supérieurs, notamment René Meyer, procureur de la République, il est impossible d'ouvrir une instruction, car il n'y a pas de cadavre, pas de preuves matérielles, et puis les faits datent de plusieurs années. Interviewé quelques années plus tard, il explique d'ailleurs pourquoi il ne pouvait pas ouvrir d'enquête en 1984. Avant de requérir le non-lieu, je sais que je m'en étais entretenu avec le juge d'instruction de l'époque, et on était pratiquement tombé d'accord sur le fait qu'il n'y avait aucun élément à charge. Seulement aucun. Et il y avait des soupçons, et c'est tout. Le rapport de Christian Jambert est enterré. Avant même d'être ouverte, l'enquête sur les disparus de Lyon rejoint les cartons d'archives du palais de justice d'Auxerre. Au même moment, en septembre 1984, Émile Louis sort de prison et déménage dans le Var. Là-bas, il s'installe au camping du Blavet, à Roquebrune-sur-Argence, et vit de petits boulots. Parfois, il garde les enfants d'un ami, et ses pulsions reviennent. 5 ans après son arrivée dans le Var, il est condamné par le tribunal de Draguignan pour attentat à la pudeur sur mineur. De nouveau, il est incarcéré. Mais c'est bien des années plus tard que l'affaire des disparus de Lyon va refaire surface et son principal suspect avec elle. 4 octobre 89, Auxerre. Au sein de la section lyonnaise de l'ABJA, l'Association pour adultes et jeunes handicapés, c'est la stupéfaction. Le fondateur de la structure, Pierre Charrier, est arrêté. Il est accusé d'avoir abusé d'une jeune handicapée de 23 ans. Dans la région, Pierre Charrier n'est pas n'importe qui. L'homme est respecté. Ancien instituteur, il est l'un des pionniers des classes dites de perfectionnement. Il a développé de nombreuses structures d'aide aux handicapés. Au moment de son arrestation, il est directeur de l'Institut médico-éducatif de Gratry. Condamné en 1992, l'événement crée une vive émotion dans la région. Pour un homme notamment, cette condamnation fait figure d'électrochoc. Il s'agit de Pierre Monnoir. Son frère est handicapé et placé dans une structure dirigée par la femme de Pierre Charrier. Depuis quelque temps déjà, des rumeurs circulent dans la région d'Auxerre sur la personnalité des époux Charrier, leur gestion des instituts. Pierre Monnoir apprend qu'il y a des années, 4 filles ont disparu et personne ne s'en serait soucié. En réponse, il crée l'ADLI, Association d'aide aux handicapés de Lyon, qui regroupe notamment les frères et les sœurs des disparus. Il se tourne alors vers la préfecture, vers la DAS, pour signaler ses disparitions, mais rien n'avance. Alors il décide de médiatiser les causes. Après une première intervention à la radio, Pierre Monnoir s'adresse à la célèbre émission « Perdu de vue » sur TF1, produite par Jacques Pradel. À la rédaction, les journalistes commencent leur enquête. Au fil de leurs recherches, ils se rendent compte que les soupçons de Pierre Monnoir sont fondés. Ce ne sont pas 4 filles qui ont disparu, mais 7. Ils prennent connaissance de l'investigation menée des années auparavant par le gendarme Christian Jambert. Et le 25 mars 1996, sur le plateau, l'affaire des disparus de Lyon est enfin révélée au public et en direct. Grâce à cette exposition médiatique, les familles des disparus se regroupent et décident de porter plainte. Mais le procureur Jacques Casal leur oppose une fin de non-recevoir, car les faits sont prescrits et il n'y a pas assez d'éléments. Avec l'aide de leur avocat, Pierre Gonzalez de Gaspard, les familles insistent, font appel et finalement, obtiennent gain de cause. Le 30 mai 1997, une information judiciaire est ouverte à Auxerre. 20 ans après les faits, l'instruction des disparus de Lyon peut enfin commencer. Pierre Monnoir savoure sa victoire et n'hésite pas à pointer du doigt la justice auxerroise. Ce n'est qu'une étape vers la vérité, mais enfin, effectivement, les familles ont quand même le droit de savoir et la justice doit fonctionner. Donc je pense que là, maintenant, nous allons demander le dessaisissement du doyen des juges d'instruction d'Auxerre afin que le dossier soit traité dans des conditions sereines et extérieures au département. On a confiance en la justice, donc je pense qu'on ira au bout. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Sensible sur France Inter, aujourd'hui le cas Émile Louis, à Auxerre. L'enquête est prise en charge par le juge d'instruction Benoît Lewandowski. Deux gendarmes de la section de recherche de Paris sont chargés du dossier à plein temps. C'est que l'affaire est compliquée, surtout 20 ans après les faits. Alors il repart de zéro, vérifie si les jeunes femmes n'ont pas laissé de traces à la sécurité sociale, à l'URSSAF, dans des fichiers administratifs. Mais non, rien. Alors il balaie de nombreuses hypothèses, réseau de prostitution, séquestration, rien non plus. Mais surtout, il s'appuie sur la première enquête de leur collègue Christian Jambert. Sauf que le 3 août 1997, quelques mois seulement après l'ouverture judiciaire du dossier des disparus, une information tombe. À Auxerre, un décès mystérieux vient assombrir un dossier déjà bien obscur et que la justice était peut-être sur le point de rouvrir. C'est l'affaire des disparus d'Auxerre, cette jeune femme dont on a perdu toute trace il y a plus de 20 ans. Et c'est donc en pleine bataille juridique pour ouvrir une information judiciaire que disparaît le seul témoin, le gendarme qui avait suivi tout le dossier. Denis Baudin nous appelle d'Auxerre. Il s'agit bien d'un suicide, dit-on au palais de justice d'Auxerre. La mort du gendarme n'a aucun lien avec l'affaire des disparus de Lyon. Tout le monde savait qu'il avait des problèmes personnels. Le gendarme était le témoin intéressant. Il avait participé aux premières recherches. Il y a 20 ans, les 7 jeunes femmes déficientes mentales disparaissaient mystérieusement. On parlait de fugue à l'époque, puis une association de défense s'était créée. Elle se bat depuis des années pour faire jaillir la lumière. Son avocat, maître Gonzalez de Gaspard, s'étonne de cette disparition soudaine. C'est une disparition sûre des disparitions, et c'est en cela que c'est quand même terriblement inquiétant et terriblement mystérieux. Comment se fait-il que cet homme, qui ne demandait qu'à témoigner, d'après ce que j'avais compris, qui avait suivi cette affaire de très près, comment se fait-il que cet homme meure soudainement au moment où, justement, nous demandons, nous, et nous avons demandé, en particulier dans des investigations que nous souhaitons, son audition. C'est quand même quelque chose d'étonnant, je ne veux rien dire de plus pour l'instant. On a parlé de suicide, c'est peut-être exact. Et vous avouerez, ça tombe quand même tout à fait d'une manière exceptionnellement étonnante. Et dans Lyon, la rumeur devient soupçon, on parle de complot. Le palais de justice est rapidement renommé palais des mystères. L'inertie judiciaire, l'inaction administrative, d'autres affaires qui impliquent elles aussi des jeunes filles de la DAS et de notables locaux, le contexte est favorable pour que se développent ces rumeurs. Et bien sûr, les médias s'engouffrent dans la brèche. Décidément, cette affaire des disparus est trouble. Pour beaucoup, le coupable est tout désigné, mais on doit taire son nom. Présomption d'innocence oblige. Alors on parle du chauffeur de car. Certains pensent qu'il aurait été protégé durant toutes ces années par un réseau de notables. Le procureur de la République d'Auxerre, Jacques Casal, prend la parole pour dénoncer cet emballement médiatique. Malheureusement, cette affaire a débordé et est en train de connaître ce que j'appellerais une dérive médiatique où l'on se soucie peut-être plus d'un aspect un peu sensationnel que de savoir exactement ce qui s'est passé. La personne qui est visée par certains articles de presse est une personne qui sera peut-être, même probablement entendue, à titre de témoin. Qu'en sera-t-il après? Je n'en sais rien. Les enquêteurs se concentrent sur Émile Louis et pour cause. Le rapport du gendarme Jaubert est accablant. On fouille le cabanon de l'individu, les coins où il allait pêcher. Un témoin dit avoir vu un homme creuser un trou un jour près du potager des Mille Louis. Alors on creuse. Les policiers découvrent des ossements. Des caméras de télévision filment les gendarmes qui entourent le lieu, l'arrivée du juge d'instruction Benoît Lewandowski. Tous les représentants des autorités judiciaires et des parties civiles sont là. Il faut montrer que l'affaire est cette fois menée avec vigueur et avec rigueur. Les frères et sœurs de disparus sont interviewés, ils disent leur espoir. Mais l'os retrouvé n'était que celui d'un mouton. Rien de menaçant donc pour le coupable idéal, celui que tout le monde a en tête, celui que le journaliste guette, Émile Louis. Plusieurs d'entre eux partent d'ailleurs dans le Var, là où il habite. Ce dernier accepte d'être interviewé. Il nie toute implication dans la disparition des jeunes femmes. J'ai fait un trou effectivement de 50 cm de profondeur sur un mètre. Sur un mètre pour repiquer mes endives pour l'hiver. Enfin, pour le printemps, parce qu'on mange des endives. Bon. Et c'est tout. C'est tout. Je ne comprends pas que 20 ans après, qu'on vienne me dire qu'on a trouvé deux ours dans le fameux jardin. Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire aujourd'hui. Oui, oui. Mmh. Oui. Que le sort s'acharne sur moi. Mmh. Et que je suis absolument pour rien, j'ai toujours clamé mon innocence. Pendant 3 ans, les gendarmes de la section de recherche de Paris continuent leur enquête. Ils rédigent plus de 1300 procès-verbaux, recueillent de nombreux témoignages. Et c'est un homme à deux visages qu'ils découvrent. D'un côté, Émile Louis, le citoyen modèle, un peu vulgaire mais drôle, qu'on surnomme Tonton Émile ou Michou, plutôt apprécié dans la ville d'ailleurs, toujours prêt à rendre service. Mais de l'autre, Émile Louis, le pédophile, condamné pour attouchement sur mineur, qui pouvait avoir des comportements ambigus avec les femmes. Oui, mais voilà, l'enquête piétine. Ils n'ont rien, les gendarmes. Pas de preuves matérielles, pas de cadavres, le néant. Du côté du palais de justice, on fait comprendre au juge d'instruction Benoît Lewandowski que le temps presse. Il faut classer cette affaire. Les gendarmes vont donc décider de passer à l'action. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, Hubert Besson, journaliste à Lyon Républicaine. Pendant l'affaire, il a suivi de près l'enquête, il en a tiré un livre, Émile Louis et l'affaire des disparus de Lyon, publié en 2004 aux éditions de l'Archipel. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. C'est à 18h20 hier soir qu'Émile Louis, le suspect numéro 1 de l'affaire des disparus de Lyon, est interpellé à son domicile de Draguignan par la section de recherche de Paris. Placé en garde à vue, il est auditionné à la gendarmerie. Selon nos informations, Émile Louis aurait avoué en début de soirée son implication dans certaines disparitions. 12 décembre 2000, Draguignan. Les gendarmes débarquent entre les petits immeubles blancs d'une paisible résidence. Ils sonnent à l'appartement d'Émile Louis, au rez-de-chaussée. L'homme, qui a 66 ans à l'époque, vit une paisible retraite sous le soleil du Var. Mais là il comprend. Il sait que l'heure de vérité est arrivée. Les officiers lui laissent terminer son repas pendant qu'il perquisitionne l'appartement. Émile Louis est ensuite placé en garde à vue à la gendarmerie de Draguignan. À l'extérieur, un journaliste filme la scène de loin. À travers les stores mal fermés du bureau, on aperçoit Émile Louis assis face aux gendarmes. Ces derniers le savent, ils n'ont que 2 jours pour lui faire avouer ses crimes. Alors il commence par l'interroger sur les victimes. Il lui montre les 7 jeunes femmes sur un album photo. Émile Louis les reconnaît, oui il les reconnaît, mais il n'avoue rien. Le lendemain, les gendarmes tentent un coup de poker. Il lui explique que 10 ans après les faits, dans le droit français, un crime est prescrit et qu'il ne risque donc plus rien. Ah bon ? Émile Louis demande qu'on lui montre l'article qui certifie l'affirmation des enquêteurs. Les gendarmes s'exécutent. Alors, il se met à parler. Sa première victime serait Sylviane Lemoine. Elle était sa maîtresse. Il raconte. Nous avons fait l'amour sur une sorte de petite plage au bord du Serein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais plus moi-même. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'ai été amené à la tuer. Je ne me rendais compte de rien. J'étais habité par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal. Cette force me poussait à tuer. Je ne sais pas comment je l'ai tuée. J'étais à côté d'elle, je l'ai appelée pour la réveiller. Je pense être resté auprès de son corps pendant une demi-heure. C'est à ce moment que la bestiole m'a quitté. J'ai réalisé que j'avais fait une connerie. Elle ne respirait plus. Il avoue aussi le meurtre des 6 autres femmes. Il ne se souvient pas précisément des détails pour chacune, mais c'est bien lui le coupable de ces crimes. Les gendarmes ne veulent pas en rester là pour autant, ils veulent savoir où sont les corps. Émile Louis est emmené à Auxerre, où le juge d'instruction Benoît Lewandowski le met en examen pour enlèvement et séquestration. Le lendemain, un convoi avance au rythme des indications d'Émile Louis. Depuis Auxerre, il prend la route vers le nord. Une dizaine de kilomètres plus loin, à Rouvray, il s'arrête. Le ciel est gris, les champs détrempés, une averse menace. Émile Louis descend du véhicule en gilet beige et blouson bleu. Il marche sur cette terre meuble qu'il connaît par cœur. C'est là, du côté de la rivière Serein, qu'il avait l'habitude de pêcher. Tour à tour, il indique aux gendarmes sept zones pour les sept victimes qu'il a tuées. Les équipes de la gendarmerie se mettent au travail et elles creusent. Terrible attente pour les familles des jeunes femmes. Finalement, le 18 décembre 2000, la procureure de la République, Marie-Suzanne Lequeau, annonce l'information. Des ossements humains viennent d'être découverts au premier endroit indiqué par Émile Louis. Le magistrat instructeur va diligenter une expertise pour préciser le sexe de la personne, son âge et la date approximative de son décès. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs exhument un second squelette. L'expertise scientifique révèle qu'il s'agit des corps de Jacqueline Weiss et de Madeleine de Juste, deux des sept disparus. Les équipes de recherche continueront pendant plusieurs mois à déblayer la terre, mais aucun autre corps ne sera retrouvé. On pense qu'ils ont été emportés par la rivière. En même temps que les squelettes, on déterre de nombreux vêtements. Émile Louis a avoué, deux corps des disparus ont été retrouvés grâce à ces indications. La bataille judiciaire peut donc commencer. Janvier 2001, palais de justice d'Auxerre. Dans le bureau du juge d'instruction Benoît Lewandowski, Émile Louis est auditionné. Il revient sur ses aveux et nie les meurtres. Il explique qu'au moment de son interrogatoire, il était fatigué. Il avait des problèmes au cœur et voulait en finir au plus vite. C'est pour ça qu'il a reconnu les faits. Le juge lui demande de justifier la découverte des corps à l'endroit même où il les a indiqués. C'est gros tout de même. Selon lui, il existe un réseau, une organisation dont le repère serait un bar tenu par des Arabes à la rue du Pont, à Auxerre. Au cours d'une promenade, alors qu'il pêchait au bord du Serein, il aurait vu les patrons de ce bistrot enterrer un sac de la dimension d'un corps. Bien, le juge prend acte. Mais il a surtout un autre problème à régler, celui de la prescription. Maintenant qu'on a retrouvé les corps des deux des disparus, il s'agit d'un crime donc prescrit après 10 ans. Même si Émile Louis a avoué, il ne peut plus être poursuivi pour meurtre. Pourtant, il faut le confondre à tout prix, mais pour des faits non prescrits. On cherche alors du côté du Var, où il a vécu ces 10 dernières années. C'est à ce moment-là qu'est créée la cellule Émile 83. Elle regroupe des gendarmes de la région affectés exclusivement aux agissements récents d'Émile Louis. Les enquêteurs se retrouvent face à une situation inhabituelle. D'ordinaire, on cherche un suspect lorsqu'un crime ou un délit a été commis. Là, c'est le chemin inverse. Il s'agit de partir du suspect pour remonter au crime potentiel. La photo d'Émile Louis est diffusée partout. On lance des appels à témoins. De nombreuses femmes y répondent. La plupart du temps, Émile Louis s'attaquait à des personnes psychologiquement fragiles. Elles n'osaient pas en parler à la police. Leur agresseur étant arrêté, les langues se délient. Cette victime, par exemple, raconte devant les caméras de France 3 le jour où Émile Louis l'a agressé. Un jour, j'ai voulu me mêler de la conversation. Il a tapé du poing. Et il m'a dit, dis donc, toi, on t'a rien demandé, mais d'une voix. Alors je n'ai plus rien dit du tout. J'ai pas eu le temps de m'en aller. J'ai rien pu faire et je me suis retrouvée attachée dans le dos. Il disait, je suis le maître, ne l'oublie pas, je suis le maître. Parce que nous y avons toutes passé. Mais j'ai dit, il faut en parler à maman Jacqueline. Elle me dit, tu ne diras rien. Alors je n'ai rien dit. Les témoignages affluent. Maintenant, il faut faire le tri. Les appels se révèlent souvent faux ou inventés. C'est que Émile Louis est devenu une véritable star médiatique. Les 4 enfants qu'il a eus avec sa première femme se retrouvent sous le feu des projecteurs. L'aînée, Marilyn Vinet, sort du silence. Elle raconte son enfance sous le joug du bourreau. Elle aurait été violée, aurait assisté à des scènes de torture et à l'assassinat d'une femme sous ses yeux. Oui, sous ses yeux. Peut-être, sauf que ses frères et sœurs démentent. Ils dénoncent la fragilité de leur sœur, sa mythomanie. Voilà le genre de difficultés auxquelles les enquêteurs sont confrontés. Finalement, ils retiennent les témoignages de la seconde épouse d'Émile Louis, Chantal Paradis, et de la fille de celle-ci qui accuse Émile Louis de viol et de torture, ainsi que les plaintes de deux autres femmes. Elles n'auraient pas osé parler avant, effrayées qu'elles étaient par le personnage. À Draguignan, le juge d'instruction Didier Guissard met en examen Émile Louis pour viol avec torture et acte de barbarie. Pour le procès sur les disparus de Lyon, on évite finalement la prescription en s'appuyant sur un document rédigé en 1993. La Cour de cassation estime que ce soit transmis permet d'interrompre le délai de prescription. Émile Louis sera donc jugé deux fois, une première dans le Var, une seconde à Auxerre. Le procès de Draguignan s'ouvre. Émile Louis nie les faits, mais il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Tous les acteurs de ce procès, même s'ils s'en défendent, ont en tête qu'Émile Louis sera aussi jugé quelques mois plus tard dans l'affaire de Lyon. Ce procès-là, le deuxième, s'ouvre le 2 novembre 2004. Pour les familles des disparus, c'est la dernière étape d'une longue route, celle du silence et de l'ignorance. Enfin, 30 ans après, l'assassin de leur sœur, de leur fille, de leur ami, va être jugé. Procès historique. À 70 ans, c'est un homme vieilli et marqué qui s'avance dans le box des accusés. La tête basse, Émile Louis maintient sa version des faits. Il n'a pas tué les jeunes femmes. Pendant 3 semaines, le procès déroule la personnalité des serial killers, son mode opératoire, sa psychologie. Les témoins se succèdent à la barre. Les avocats d'Émile Louis défendent bec et ongle la version de leurs clients. En face, les avocats des parties civiles font tout pour lui faire reconnaître ses crimes, mais rien n'y fait. Alors, comme le veut la loi, au dernier jour du procès, Émile Louis peut s'exprimer une dernière fois. Il saisit le micro de la main droite, s'appuie sur la vitre du box et face à la salle d'audience déclare « Je regrette pour les familles, mais je suis innocent ». Le 26 novembre 2004, la sanction tombe, Émile Louis est condamné à la prison à perpétuité. À la sortie du tribunal, les familles des victimes disent leur soulagement. Le sentiment du verdict, c'est très bien pour nous parce que ça fait 30 ans qu'on attend que ce procès arrive. Pour toutes les familles et les pauvres filles qui ont été assassinées. Nous sommes très contents parce que c'est tourné en notre faveur et Émile Louis qui niait tout. Il prend le maximum, c'est ce que vous attendiez? Oui, ce qu'on attendait, à perpétuité, comme ça il ne sortira pas. Ben, c'est ce qu'il mérite de toute façon parce que je pense qu'il serait resté comme les experts ont dit lundi, recommencerait. C'est un sentiment de vengeance que vous avez? Non, c'est pour l'hommage des filles. Et moi que je récupère ma sœur, c'est hommage aux filles, c'est ce qu'on leur doit. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire maintenant, si vous pouviez? Mais oui, je dirais que c'est un assassin, c'est tout. Ce jour-là, c'est la fin d'une trajectoire criminelle. Maintenant sa position, Émile Louis fera appel, mais la peine sera confirmée. Il meurt finalement en prison le 20 octobre 2013. Les 5 autres corps des disparus de Lyon n'ont jamais été retrouvés. Jeune femme morte sans sépulture. On ne saura jamais combien Émile Louis en a tué finalement, sans doute plus que ce qu'il a avoué, plus aussi que celles sur lesquelles ont enquêté les policiers. Ce que révèle cette histoire, c'est aussi cela, une inertie judiciaire qui a rendu possible qu'un tel criminel échappe à la justice pendant plus de 30 ans. Savoir quand on partage à la brune la solitude de la lune devant son grand écran noir. Si tu n'aimes pas trop la foule, si parfois comme moi la vie te saoule un peu, si tu te sens roulé en boule, ou si le mauvais sort te blaboule en du jeu, n'oublie pas qu'on est deux. C'est une chanson que je te donne comme un gilet qu'on boutonne pour se réchauffer la vie. Je t'ai tout dit. Émile Louis et les disparus de Lyon dans Affaires Sensibles aujourd'hui avec notre invité Hubert Besson. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez journaliste à Lyon Républicaine pendant l'affaire, que vous avez suivi l'enquête, que vous en avez écrit un livre intitulé Émile Louis et l'affaire des disparus de Lyon, publié en 2004 aux éditions de l'Archipel. À quel moment, parce que vous étiez déjà journaliste dans Lyon à l'époque, à quel moment vous décidez-vous de vous intéresser à l'affaire de très près? Je décide de m'y intéresser en 93 quand Pierre Monnoir, donc le président de l'association de défense des handicapés de Lyon, vient me voir pour m'expliquer que des jeunes femmes ont disparu il y a bien des années, qu'elles ont probablement été tuées, que derrière tout ça, il y a un complot de notables, des réseaux qui sont mis en marche, etc. Donc, je le prends tout de suite pour un paranoïaque profond, ce qui d'ailleurs est le cas, mais bon, et je laisse tomber, quoi. Pourquoi vous dites que c'est le cas? Parce que la manière de présenter l'affaire est une manière absolue. Il présente l'affaire est une manière paranoïaque de présenter cette affaire. Certes, il y a des jeunes femmes qui ont disparu, mais c'est pas pour autant que derrière ces disparitions, on a des notables, des réseaux, etc., etc. Vous vous méfiez, vous êtes journaliste. Finalement, je laisse tomber. Alors lui, il va voir aussi le procureur, juge d'instruction, etc., qui d'ailleurs ont la même réaction que moi et qui prêtent pas vraiment attention à ce qu'il dit, alors que pourtant sur le fond c'est exact. Et là ça vous met la puce à l'oreille au fil des jours, comme ça, et vous allez dans l'enquête. Au bout du compte, on va commencer par la fin. Alors il a peut-être tué ces sept jeunes femmes disparues, Émile Louis, il a peut-être tué plus, voire moins. C'est ça? Oui. Parce que finalement, oui. les deux avérés. Mais il y a deux crimes avérés, oui. N'est-ce pas? Donc plus de sept, moins de sept, on ne saura jamais. Les deux avérés donc sont Madeleine de Juste et Jacqueline Weiss, dont on a retrouvé les squelettes sur les indications d'Émile Louis. Donc là, il n'y a pas grand doute. Quant aux cinq autres, il y a des présomptions à l'encontre d'Émile Louis, mais il n'existe pas de preuves véritables, encore moins sur les assassinats, c'est-à-dire les meurtres avec préméditation pour lesquels il a été condamné. On voit pas très bien comment on peut démontrer la préméditation de ces actes. Bon, enfin, l'avocat général Bigère, à l'époque, lui, a trouvé que ces actes étaient prémédités. Mais bon, voilà. Bon, alors, en dehors de ces sept femmes disparues, il est vraisemblable qu'Émile Louis, ici ou là, au fil de ses pérégrinations, a eu d'autres victimes qui n'ont probablement jamais été identifiées. Un peu comme Francis Holm, par exemple. Oui. Alors, l'avocat, me disiez-vous, au procès, ça paraît incroyable, a plaidé non coupable. Alors peut-être qu'il s'est dit, les circonstances atténuantes, ça marchera pas. Plus c'est gros, plus ça passe, on va tenter ça, peut-être. Après tout, il a le droit, hein, c'est une stratégie d'avocat. Oui. Ça paraît un peu hasardeux. Je dirais que c'est une stratégie de mauvais avocat. Parce que essayer de démontrer l'indémontrable, Bon, il faut prendre à ce moment-là les jurés pour des petits enfants, quoi. Je veux dire, on a deux squelettes sur les indications d'Émile Louis, donc l'affaire est faite. Il a tué ces deux-là, il a donné l'endroit où il les avait mis, enterrés, etc. Donc, en aucun cas, il ne pouvait être acquitté. Bon, alors il y avait peut-être une autre stratégie. À laquelle cet avocat n'a pas pensé, qui était de plaider sur la prescription. Ah, parce ça que... c'est intéressant, parce qu'on a tenté de l'expliquer dans le récit, mais je ne voulais pas tomber non plus dans un flot de considérations techniques. Est-ce que simplement on peut expliquer ce qui s'est passé là ? Ça paraît compliqué. Donc c'est en 93, il y a un substitut du procureur, donc saisi par Pierre Monnoir, qui va aller regarder si les dossiers des quatre femmes dont il est question à l'époque, puisqu'on en est à quatre, oui. Est-ce que le Conseil général est en possession de leur dossier. Donc, il envoie un courrier au Conseil général. Parce qu'elles sont à la DAS, hein, c'est pour ça que vous parlez oui, du Conseil général, d'accord. Conseil général, DAS. Mm-hmm. Il envoie un courrier au Conseil général. Le Conseil général répond... ne pas avoir de dossier de ses filles. Et donc, est-ce que cet acte est un acte judiciaire et à ce moment-là, il interrompra la prescription ou est-ce que c'est un acte administratif et là, il n'interrompt pas la prescription. Bon, alors la Cour de cassation décide qu'il s'agit d'un acte judiciaire interruptif parce que, tout simplement, c'est pas une décision judiciaire ni juridique, c'est une décision politique pour pouvoir juger Émile Louis. Voilà. Bon. Alors, oui, l'avocat, effectivement, aurait pu s'appuyer là-dessus. Essayer d'entamer un débat sur cette question-là, qui est quand même très litigieuse. Voilà. Absolument. Alors, ce qui est litigieux aussi, c'est la façon dont la justice a travaillé dans cette affaire. Manque de motivation, je ne sais pas, forme d'aveuglement, je le sais encore moins. Il se trouve qu'à l'issue de l'affaire, Marie-Lise Lebranchu, garde des Sceaux de l'époque, n'a pas hésité à critiquer le fonctionnement de la justice en l'occurrence. On va l'écouter, on en parle ensuite. Moi je ne peux pas utiliser le mot faute, mais j'utilise volontiers l'accumulation d'erreurs et de dysfonctionnements aujourd'hui. Je pense que pour des raisons de contexte général, et c'est ça qui fait le plus mal sûrement, c'est que les magistrats, comme tout un chacun, comme nous tous, sont plus sensibles lorsque des gens se battent pour connaître la vérité avec des avocats déterminés. Et là, il s'agissait de personnes fragiles, dont les familles aussi étaient dans des positions de fragilité et qui n'avaient pas les moyens ou l'audace de réclamer autre chose. Quand il n'y a pas de pression organisée de la part des entourages, des familles, des responsables d'institutions aussi quand même, qui simplement à 17h voit une jeune fille partir, à 8h le matin elle ne revient pas, on fait un simple signalement, ça pose quand même problème sur un contexte général. Je crois qu'il n'y a pas que les magistrats et l'institution judiciaire, donc je pense qu'il y a eu un contexte général, c'est une responsabilité qui est totalement collective. Alors ce que dit Marie-Lise Lebranchu nous interpelle parce qu'elle dit oui, ces jeunes filles, les victimes n'avaient pas de famille, hein, elles étaient à la DAS. Ça voudrait dire qu'il y a une justice à deux vitesses, une justice qui se laisse impressionner, légitimement d'ailleurs, par la plainte des proches, hein, qui demandent justice. Puis bon, quand il n'y a pas de parents, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, c'est ça que ça nous dit ? Je crois qu'elle dit ça et je crois qu'elle a raison. On a effectivement une justice à deux vitesses. Moi, quand j'appelle le procureur de l'époque, 84, René Meyer, pour préparer mon bouquin, il me dit, mais monsieur, cette affaire, c'est un non-événement, c'est de la gesticulation médiatico-judiciaire. Ben voyons. Alors, je lui dis oui, mais enfin, peut-être, mais il y a 7 meurtres. Alors, je sais pas si c'est de la gesticulation, mais enfin, je suis pas tout à fait sûr. Et là, il monte en pression et il m'explique, René Meyer, que à l'époque, je me rends pas compte le contentieux routier qui pouvait exister. C'est-à-dire le nombre de gens qui faisaient des excès de vitesse, qui mobilisaient complètement le parquet. Et que donc, il n'avait pas le temps, tous ces braves parquetiers, de travailler sur les disparitions et les meurtres. Bon, ce qu'il dit là est tout à fait révélateur d'une manière d'être et d'une manière de penser. de ce magistrat en tout cas, et sans doute d'autres à l'époque, et peut-être d'autres encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que la disparition de 6 ou 7 filles de l'ADA, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà le fond du problème pour la justice à l'époque. Alors, c'est pas la peine d'essayer de voir dans cette affaire des implications de magistrats, etc., des gens qui auraient couvert, protégé, je ne sais quoi. Pas du tout. On est dans le désintérêt absolu vis-à-vis de ces jeunes femmes. Alors, à la décharge de la justice peut-être, hein. Ensuite, il y a le côté exposition médiatique. Alors, je ne parle pas des journalistes qui font leur travail, hein. Je parle de perdu de vue sur TF1. Bon, Pradel faisait son boulot aussi, bien sûr, c'était son travail. Oui. Mais enfin bon, c'est compliqué pour la justice quand une affaire comme ça est mise sur un plateau de télévision, non ? Bah, c'est surtout que si la justice avait fait son travail, Pradel serait resté tranquillement chez lui, je crois. Oui, on peut le voir comme ça aussi, effectivement. Oui. Bon, et puis, écoutez, il y a aussi ce suicide du gendarme, Jean-Bert. Alors ça, c'est quand même, c'est voilà, un témoin, quelqu'un qui a vu des choses importantes, qui sait beaucoup de choses, et il disparaît. Alors, c'est un suicide ou c'est autre chose? Alors moi, je crois que c'est un suicide. D'autres pensent qu'il s'agit d'un assassinat. Mais bon, à l'époque, Christian Jambert était profondément dépressif. Il était traité par l'hôpital psychiatrique d'Auxerre. Il était toujours fortement alcoolisé. Bref, il allait très mal. Donc, il avait vraiment le profil de quelqu'un qui peut se supprimer. Alors, ensuite, si on dit qu'on l'a tué, il faut des mobiles, il faut... Bon, Jambert, dans l'affaire des disparus de Lyon, avait tout dit, quoi. Dès 84, il avait tout dit. Il avait craché sa valda. Donc, il n'avait plus rien à cacher ni à révéler. Voilà. Hubert Besson, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Madeleine Béraud, Careless Love. Hubert Besson, il se trouve que vous avez rencontré Émile Louis. J'aimerais savoir dans quelles circonstances, ce qu'il vous a dit, comment il se comportait, qui il était. Oui, j'ai rencontré Émile Louis en 97 à Draguignan. Donc c'était un retraité tranquille qui allait à la pêche, comme d'habitude. Comme d'habitude avec les grands criminels, ils sont toujours tranquilles. T'as remarqué, les voisins disent toujours ça. Oh, il était normal. Donc nous avons dîné ensemble, nous avons été au bistrot ensemble ensuite, nous avons bu beaucoup. Oui. Et lui m'a dit qu'il supportait pas l'alcool. Eh bien, pour un type qui supporte pas l'alcool, chapeau, quoi. Bon. Et il m'a dit que, bah oui, il était innocent. Parce qu'à un moment, je lui ai posé la question. J'ai dit, bon, alors, vous les avez tués ou pas, quoi? Et il m'a dit, bah, pourquoi voulez-vous que je les ai tués? Mais effectivement, bonne réponse. Pas pour les voler, pas pour les violer. Alors, pourquoi les aurait-il tués? Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'éléments... très très fiable sur sa culpabilité. Donc il se défendait très très bien, il était très habile, très sympa, un brave papy passant sa retraite dans le Billy, quoi. Voilà. Mais vous l'avez un peu branché, si j'ose dire, sur les soupçons dont il avait été l'objet, les attouchements, il a fait la prison, enfin vous l'avez branché là-dessus. Oui, l'avez fait comprendre que vous n'étiez pas devant quelqu'un qui vous apparaissait complètement clean, quoi. Bon. Oui, ben bien sûr, ça je lui ai montré que je connaissais un peu son curriculum vitae. Il m'a dit, bah oui, c'est vrai, j'ai fait quelques conneries dans ma vie, mais c'est pas pour ça que j'ai tué. Hein, en plus, j'avais aucune raison de le faire, aucune envie de le faire. Oui, ces filles, je les connais, je les ai transportées en car, etc., etc. Bon, voilà. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez cru à travers la façon dont tout s'exprimait? On voit dans les yeux des gens aussi, s'il y a de la sincérité, du mensonge, à moins qu'ils soient extrêmement intelligents, comme dire, mais on voit quelque chose. Je voyais que c'était un type retors, que c'était un type malin, etc. Mais bon, c'est pas parce qu'un type est retors et malin qu'il est serial killer non plus. Donc, Bien sûr. Et bon, comme j'avais pas de biscuit important, je pouvais pas le mettre en opposition, quoi. Voilà, par rapport à ça. C'est clair. Alors, dites-moi, l'affaire du Nan, je ne sais pas si elle croise l'affaire Émile Louis, mais voilà qu'un poignée des notables dans Lyon ont été impliqués dans des histoires un peu comme celle-là, de torsionnaires. Enfin, qu'est-ce que c'était que cette histoire? Oui, alors Claude Dunant était un commercial habitant à Poigny, à une dizaine de kilomètres d'Auxerre, et qui séquestrait des jeunes femmes de la DAS. Et lui était un tortionnaire et il faisait venir chez lui dans son garage des clients pour torturer ses filles et il faisait payer ces gens, voilà. Alors ça, on a dit qu'il y avait des notables, mais ça c'est la rumeur publique qui l'a dit, parce que il y a pas besoin d'être un grand notable pour payer une soirée 600 francs à l'époque chez Dunant. C'est pas forcément ruineux, voilà. Donc c'était ces tarifs-là quand même. Donc on a arrêté à l'époque quelques clients, beaucoup d'autres n'ont pas pu être retrouvés, inquiétés, etc. Et Dunant a été jugé et condamné à perpétuité pour des actes absolument abominables, véritablement abominables. Et apparemment pas de connexion avec le parcours d'Émile Louis. Non, il n'y a pas de connexion. On a cherché ça, mais le problème, c'est que ça se passait à 10 km d'Auxerre, ça se passait à peu près à la même époque, au début des années 80, donc À Poigny, c'est ça, hein. À Poigny, et surtout, les jeunes femmes étaient des filles de la DAS. Tiens, ça se ressemble, mais quand des pervers s'en prennent à des filles, souvent ils les prennent sans famille, tout simplement. Bien, ce sera le mot de la fin, Hubert Besson. Merci pour tous vos éclairages et la précision des informations que vous avez apportées. Je rappelle le titre de votre livre, tout simple, « Émile Louis et l'affaire des disparus de Lyon », publié en 2004 aux éditions de l'Archipel. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le cas Émile Louis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci beaucoup Fabrice Drouel. Dans quelques instants, c'est la récréation avec Vincent Josse. Il vous donne aujourd'hui rendez-vous en direct du studio 106 pour une réjouissante consacrée à la musique classique. Au programme cet après-midi, la violoniste franco-roumaine Sarah Nemtanou, un quatuor de Beethoven, un concerto de Bach, du Prokofiev et du Béla Bartok. Sans oublier bien sûr la chronique d'Anna Sigalevitch. Je ne vous en dis pas plus, c'est à suivre et à découvrir dans quelques instants sur France Inter.